Explication de l'oraison dominicale ou Notre Père par saint Thomas d'Aquin, traduit du latin au français par un moine de Fontgombault, dans la publication des Nouvelles Éditions Latines, 1978. Neuvième partie, la sixième demande, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Il existe des pécheurs désireux d'obtenir le pardon de leurs fautes. Ils se confessent et font pénitence, mais ils n'apportent pas toute l'application nécessaire pour ne pas retomber dans le péché. Ils sont vraiment inconséquents avec eux-mêmes. En effet, à certaines heures, ils pleurent leurs péchés et s'en repentent, et à d'autres heures, ils retombent dans leurs fautes et accumulent ainsi la matière de larmes futures. C'est la raison pour laquelle le Seigneur leur dit en Isaïe: Lavez-vous, purifiez-vous, retirez de ma vue vos pensées mauvaises et cessez de mal faire. C'est aussi pourquoi le Christ, comme nous l'avons dit, nous enseigne dans la demande précédente à implorer le pardon de nos péchés. Et dans celle-ci, il nous apprend à demander la grâce de pouvoir éviter le péché. Par ces paroles, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Car à la tentation, il appartient précisément de nous faire tomber dans le péché. Le contenu de cette sixième demande de l'oraison dominicale nous invite à examiner trois choses. Ce qu'est la tentation, comment et par qui l'homme est tenté, et enfin, comment il est délivré de la tentation. Premièrement, qu'est-ce que la tentation? Tenter ne signifie rien d'autre que mettre à l'essai ou éprouver. Ainsi, tenter un homme, c'est éprouver sa vertu. Sa vertu peut être mise à l'essai ou éprouvée de deux manières, dans la ligne des exigences de la vertu humaine. Il est requis d'une part que l'œuvre bonne soit accomplie d'une manière excellente, et d'autre part que l'on se garde du mal. Ce qui est résumé par le psalmiste au psaume 33, évite le mal et fais le bien. La vertu de l'homme sera donc mise à l'épreuve, tantôt au point de vue de l'excellence de son agir, tantôt au point de vue de son éloignement du mal. Si en premier lieu on vous éprouve pour savoir si vous êtes prompt à vous porter au bien, comme par exemple à jeûner, et si on vous trouve effectivement prompt au bien, ce sera le signe que votre vertu est grande. C'est de cette façon que Dieu éprouve parfois l'homme. Ce n'est pas qu'il ignore sa vertu, mais il veut la faire connaître à tous et à tous la donner en exemple. Dieu éprouva de cette manière Abraham et Job. Souvent, en effet, le Seigneur envoie des tribulations aux justes. S'ils les supportent patiemment, leur vertu est manifestée et ils progressent dans la vertu. Le Seigneur vous tente, disait Moïse aux Hébreux, afin de faire apparaître au grand jour si oui ou non vous l'aimez. C'est donc de cette manière seulement que Dieu tente l'homme, à savoir en l'excitant à bien faire. En second lieu, pour éprouver la vertu de l'homme, on l'incitera au mal. S'il résiste fortement et ne consent pas, c'est l'indice de la grandeur de sa vertu. Mais s'il succombe à la tentation, sa vertu est manifestement inexistante. Jamais Dieu ne tente qui que ce soit de cette manière, car Dieu est incapable de tenter et de pousser personne au mal. Sa propre chair, le diable et l'homme, voilà les tentateurs de l'homme. Deuxièmement, comment et par qui l'homme est-il tenté? D'abord, la chair tente l'homme, et de deux manières. D'abord, elle l'aiguillonne et le pousse au mal, par la recherche incessante de ses délectations charnelles, qui sont des occasions fréquentes de péché. Le fait de s'arrêter dans les délectations charnelles entraîne la négligence des choses spirituelles. Chacun, dit saint Jacques, est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. En second lieu, la chair nous tente en nous détournant du bien. L'esprit de lui-même se délecterait toujours dans les biens spirituels, mais la chair rend l'esprit lourd et l'entrave. Le corps, sujet à la corruption, dit la sagesse, appesantit l'âme. Et saint Paul écrivait aux Romains: L'homme intérieur en moi se délecte dans la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi. Cette loi-là lutte contre la loi de ma raison. Elle me tient captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Cette tentation de la chair est extrêmement forte à cause de notre union intime à notre ennemi, la chair. Aucune peste, dit Boès, n'est plus nuisible qu'un ennemi familier. Il faut donc veiller sur les assauts de notre chair. Veillez et priez, dit Jésus, pour ne pas entrer en tentation. Ensuite, la chair, une fois domptée, un autre ennemi surgit, le diable. Il nous tente très fortement, et il nous faut lutter contre lui avec vigueur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit saint Paul, mais contre les principautés et contre les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits répandus dans les airs. Aussi le diable est-il expressément appelé le tentateur, comme le montrent ces paroles de saint Paul, pourvu que le tentateur ne vous ait pas tenté. Dans ses tentations, le diable se montre consommé en ruse. Semblable à un habile chef d'armée occupé à assiéger une forteresse, il considère les points faibles de l'homme qu'il veut attaquer et fait alors porter l'effort de la tentation là où il constate que son adversaire est le plus désarmé. Ainsi, il tente les hommes, vainqueurs de leur chair, du côté des vices auxquels ils sont le plus enclins, comme la colère, l'orgueil et les autres maladies de l'esprit. Votre adversaire, le diable, dit saint Pierre, comme un lion rugissant, rôde autour de vous. Il cherche qui dévorer. Le démon, dans ses tentations, emploie une double tactique. D'abord, il ne propose pas aussitôt à l'homme, au moment de la tentation, un mal manifeste, mais un bien apparent. Ainsi, au début, il ne détourne que légèrement l'homme de son orientation générale antérieure, mais suffisamment pour ensuite l'amener plus facilement à pécher. À ce sujet, l'apôtre écrit aux Corinthiens: « Rien d'étonnant si de faux apôtres se camouflent en apôtres du Christ, Satan lui-même se déguise bien, lui, en ange de lumière. » Après avoir amené l'homme à pécher, Satan l'enchaîne ensuite pour l'empêcher de se relever de ses fautes. Ainsi donc, le diable fait deux choses: il trompe l'homme et maintient l'homme trompé dans son péché. Enfin, le monde, de son côté, nous tente de deux manières. Il nous tente en premier lieu par un désir excessif et immodéré des choses temporelles. La cupidité, dit l'apôtre, est la racine de tous les maux. En second lieu, le monde nous incite au mal par les frayeurs que nous inspirent les persécuteurs et les tyrans. De ce fait, nous sommes enveloppés de ténèbres, dit Jacob. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus, écrit saint Paul, souffriront persécution. Et à ces propos, le Seigneur a fait cette recommandation à ses disciples: « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. » Dernier point de l'explication de cette demande. Nous avons montré ce qu'est la tentation et comment et par quoi l'homme est tenté. Examinons maintenant de quelle manière l'homme est délivré de la tentation. À ce sujet, il faut remarquer ceci: le Christ nous enseigne à demander au Père non pas la grâce de ne pas être tenté, mais bien celle d'éviter de nous établir passivement dans l'état où nous met la tentation. C'est en effet en surmontant et en dominant la tentation que l'homme mérite la couronne de gloire incorruptible. C'est pourquoi saint Jacques déclare « Tenez pour une joie parfaite, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. » Et l'ecclésiastique nous avertit « Mon fils, en entrant au service du Seigneur, préparez votre âme à l'épreuve. » Saint Jacques déclare encore « Heureux l'homme qui supporte la tentation. Sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie. » Ainsi donc, Jésus nous enseigne à demander au Père de ne pas nous laisser succomber à la tentation, en lui donnant notre consentement. « Aucune tentation, dit saint Paul, ne nous est survenue qui passa la mesure humaine. » Que l'homme soit tenté, en effet, est une chose normale. Mais qu'il consente à la tentation et s'y abandonne, cela ne l'est pas, mais lui vient du diable. Mais, objectera-t-on, puisque le Christ dit très précisément « Ne nous induisez pas en tentation », c'est-à-dire ne soyez pas cause d'un entraînement et d'une entrée fatale dans la tentation, ne faut-il pas comprendre que c'est Dieu lui-même, plutôt que le diable, qui nous entraîne activement au mal? Je réponds ceci, c'est uniquement en permettant le mal et en n'y mettant pas d'obstacle que Dieu, si l'on peut dire, achemine l'homme au mal. Ainsi Dieu sera dit induire un homme en tentation lorsqu'il retirera sa grâce à cause des nombreux péchés de cet homme, ce qui aura pour effet de faire tomber celui-ci dans le péché. C'est pour être préservé d'un tel malheur que le psalmiste demande à Dieu dans sa prière « Lorsque mes forces déclineront, Seigneur, ne m'abandonnez pas. » Par contre, grâce à la ferveur de la charité qu'il lui donne, Dieu conduit l'homme de telle manière qu'il ne soit pas induit en tentation, au sens que nous avons expliqué plus haut. La charité, en effet, si minime soit-elle, peut résister à n'importe quel péché. Car les grandes eaux, c'est-à-dire de la tentation, n'ont pu éteindre l'amour, dit le Cantique des Cantiques. De même, le Seigneur nous dirige par la lumière de l'intelligence. Par elle, il nous montre les œuvres que nous devons accomplir. D'après le philosophe Aristote, en effet, tout pécheur est un ignorant. Cette lumière pour bien agir, David l'a demandé par ses paroles. « Seigneur, illuminez mes yeux, que je ne m'endorme pas dans la mort, que mon ennemi ne dise pas « j'ai triomphé de lui ». Cette lumière nous vient par le don d'intelligence. Si nous refusons notre consentement à la tentation, nous gardons cette pureté du cœur béatifiée par Jésus en ces termes « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, et nous parviendrons à la vision de Dieu. Que Dieu nous y conduise effectivement. »